Keba na lena lana bamboko yo Eko sopa yo En direct de favelas de Muchachalados Pas parole si zwanga bien De la negrita Obali mobali a bongo ni mama mandae Obali mobali a kwiti ni mama kofi na koswana Na kosanza pelis Obali mobali a zua obali parano Soki obali jigolo Mongali Caprice Alela kayo moteke Ameleli osupa mikila Nami pandi fime Avandeli ona kanape Kakase na telekomande Aboya Weston alingi kaka Berlucci Chris Moulin le prince de Dumonsi PDG Bobo Newman Esther Kiyaku Mamalo Obali mobali ya mbongo ni mama banda ye Aromu Koka Obali mobali ya kwiti ndi mama kofi na koswana ye Champion Mouchafu Kaleza Obali pastere zala pepele na mabonza ye Me surveye ba mama diya kone sa eglize Naba protocol Soki obali jigolo ni ma caprice Alela kayo moteke Mileli osupa pondwa limbonde Na mutuwa taba Angwanza meliona kanapi kakase na telekomande Osambwe Aboya Mercedes alingi kakaranje Arma wa muwenge Gabi kabangu Basi na koyo kakaye Kusa kusa Serge Mpasi Hina komuna kabangu Liwe fole Bazwa Basi na komuna kanga imwasi Mbongwa likele mbaya muziki na yaba voyage Sido le guide Avandeli nga nanda koko Landela nga na Facebook Suza za waka Fina messenger na imo Uluka kaninu Normalement, je suis venu à la maison de la maison. Bon, je suis venu à la maison de la maison. Ce qui est un voyage, je suis venu ensemble à Lévis. Ote, chérie, ote. Mikolo est Philippe plein. Et ça, c'est un peu de temps. Le monde à l'envers. J'y sais du beaucoup. Pèse les conseils. Mimi m'a tous romantique. Kapi Biata. Bibi Wifi, Coco Chibanda. Alain Bomolo. DJ P. Roger Petit Prince. Kamata se mote manana. Force temo konzina la lase. Medar Kadima na Boston. Le président J.C. Moussaka Lorraine et Ale Moissi Aminita Igi Mangwana Motona motona chérie Jules Ikando Feli Minde Pardonna Chris Moulenda Motikela la prince de Bransi Motona motona chérie na ye Erika Divita et Luka Makambo Ambanda banyatinga na mosapi asuka mama e mama Banyatinga na mosapi asuka mosapi alokolo Nasali elokote o Obampangie Mama Wiva Natikela bangoli bala mobali balinga Olivier Mukula Yangi Na boya na nga ba probleme Amedinga Saki Na koma na nga na dadi Bigis Sandrine Kousa Kousa Na koma na nga na Francis Mbalaye Zabolo Le récupérateur Sono Alain Milan C'est-à-dire mobali mobimba soa senga et loko na lamba Soki na lambe liete na butu soka lali baneko Ata musicien vimba la rabongo te na micro C'est-à-dire mouta lala na mbeto a bomba et puis a kangi sous ceinture Oh mouli mwa kege te oe Oh Mike Mumbenga de Vanessa Yannick Wawa, la créativité Gino Bas Compressor Rajungo ma SFR Talala mali kambo mobalo yo na lula Ambassadeur Kukuro Kana lalo na kina le indunda Pepe Lupemba Tamatiti na tumbaki maipena wakati yoyo Nyosa tuwa na eke ise pamba DJ Miel Landa na kisa ya sempe kusa kusa Hotel de Mune siya mulexi Benoit Ye, kuta fute la kangalwa ye Grâce à Mbizi la sexy. J'aime ce kanda kanda ngai. Laisse aussi kasika moto na libaya. Dodi qui t'a dit beaucoup tampongo. Chouchou, Lombo, Nanou, Moses. Restaurant Belichou. Gisèle Maman Lombok. Jilika Bukit complet. Et Chantal Moukadi. Onzoto. Justin Bisson na Bisson. Mon franc Bibende. Cyprien Chabou. Nazo Chris Moulin. José Kabila. Papi Chifouaka. Jean-Si.